Le 17 octobre 1961 et les médias, de la couverture de l'histoire immédiate au travail de mémoire. Si, dans les jours qui suivirent le massacre d'octobre 1961, une bonne partie de la grande presse évoque disparition, violence et internement, la censure est un épouvantail trop présent pour que la vérité et protestation éclatent. Les intellectuels et la presse d'opinion prennent le relais, mais la mémoire de l'événement sombrera peu à peu dans la confusion. Elle refait surface dans les années 80, et la diversification des médias permet alors de restituer l'émotion. La question du bilan réel sera à nouveau d'actualité avec le procès Papon en 1997. Question qui demeure à ce jour sans réponse précise. C'est un document fait par Monis H. Abdallah de l'agence Immédia. Le 18 octobre 1961, toute la presse rend compte de la manifestation de la veille, organisée par la Fédération de France du FLN, en différents points de Paris, contre le couvre-feu imposé aux travailleurs algériens par le préfet de police Maurice Papon. Les jours et les semaines suivants, après de nouvelles manifestations, notamment de femmes et d'enfants venus s'enquérir du sort des hommes arrêtés ou disparus, cette activité journalistique va même s'amplifier, au point de constituer aujourd'hui une source non négligeable pour l'historien en quête d'une première approche sur le 17 octobre 1961. Deux points de vue très tranchés apparaissent. D'un côté, la presse populaire de droite qui, à l'instar du Parisien libéré, de l'Aurore ou de Paris Jour, reprend la version de la préfecture de police. Elle évoque de violentes manifestations nord-africaines, emmenées par des meneurs et des tueurs, déferlant vers le centre de la ville. Citation. C'est inouï. Pendant 3 heures, 20 000 musulmans algériens ont été les maîtres absolus des rues de Paris. Dans Paris Jour, le 18 octobre 1961. Allez lire. Ce sont des membres du service de l'ordre du FLN qui auraient tiré les premiers, entraînant la riposte policière. La presse de gauche, elle, souligne le caractère pacifique de la manifestation et cherche à témoigner de la répression policière en plusieurs points de la capitale et en banlieue. Cependant, le ton reste prudent. Citation. Sur ce qu'a été cette tragique journée d'hier, nous ne pouvons pas tout dire. La censure gaulliste est là, et l'humanité tient à éviter la saisie pour que ses lecteurs soient en tout état de cause informé de l'essentiel, fin de citation, dans l'Humanité du 18 octobre 1961. Libération, Témoignage chrétien ou France Observateur publie sous la forme interrogative. Est-il vrai que, ou y a-t-il eu de multiples informations sur les exactions policières et leur caractère systématique? Homme frappé et jeté à la Seine ou retrouvé pendu dans les bois. On décompte du nombre des morts et des disparus qui discréditent le bilan officiel faisant état de 3 morts et 55 blessés, etc. Nouvelle citation. Si tout cela est exact, et nous avons de bonnes raisons de le croire, qui sont les auteurs de ces crimes? Demande Libération du 19 octobre 1961. Les intellectuels entre petite et grande presse. Les autres titres font preuve d'une certaine ambivalence. François donne à sa une la version officielle, mais les pages intérieures se révèlent plus osées. Plusieurs témoignages évoquent les violences policières à l'égard de photographes, mais parlent aussi de coups de feu tirés vers les manifestants. Dans son édition du 21 octobre, le journal publie un reportage dans un bidonville de Nanterre, contre le couvre-feu. Citation. Nous sommes descendus dans la rue, comme des ouvriers de Renault qui veulent une augmentation de salaire, déclarent des habitants présentés avec sympathie. 11 538 Nord-Africains ont été conduits dans des centres de triage, titre l'Aurore du 19 octobre, avant de préciser que 1 500 manifestants arrêtés seront refoulés en Algérie. Le Figaro du 23 octobre se départit quant à lui de son soutien initial à la police pour dénoncer des scènes de violence à froid dans les centres d'internement, au palais des sports ou au stade Coubertin. Le quotidien proteste aussi contre le refus d'autoriser son collaborateur à visiter ces lieux pour se rendre compte de la situation. Le traitement des personnes internées, mais aussi le bouclage des bidonvilles, vont provoquer l'indignation des titres de gauche qui tracent un parallèle avec l'Allemagne nazie. Témoignage chrétien, qui publie les terribles photos d'Elie Kagan, décrit un univers concentrationnaire, et Marguerite Duras, dans France Observateur du 9 novembre, compare le bidonville de Nanterre au ghetto de Varsovie. Le journal Le Monde rend compte de la répression et des réactions qu'elle suscite. Mais il en attribue une part de responsabilité au FLN. Citation, puisque ici et là, c'est le terrorisme musulman qui est à l'origine de ces drames. Fin de citation, et stigmatise une contre-société FLN. Édition du 20 octobre 1961. Les intellectuels engagés contre la guerre d'Algérie et la torture, pour qui Le Monde est une institution dont le prestige suscite une ferveur quasi religieuse, n'ont pas encore véritablement accès aux colonnes du journal. Pourtant, comme le disent Maurice Clavel et Michel Foucault, les intellectuels sont devenus plus sensibles à l'histoire immédiate et, par leur travail d'enquête, ont commencé à être des journalistes. Or, si la presse a joué un rôle indéniable jusque-là, les intellectuels journalistes ne sauraient se satisfaire de protestations édulcorées pour échapper à la censure. Ils entendent appeler les choses par leur nom. Après que le gouvernement a rejeté la constitution d'une commission d'enquête parlementaire et prononcé des non-lieux pour l'ensemble des poursuites judiciaires, ils lancent leur propre investigation. C'est d'ailleurs vers des gens comme Paul Thibault ou Claude Bourdet que les policiers écœurés, se présentant comme républicains, vont se tourner pour révéler nombre d'atrocités, dont la mort d'une cinquantaine de manifestants dans la cour de la préfecture, sous les yeux du préfet Maurice Papon. La mémoire d'octobre éclipsée par celle de Charonne. Les petits médias, dont la revue Les Temps modernes, les journaux Témoignages et documents, ou Vérité, Liberté, ou encore la maison d'édition François Maspero, publie de multiples documents qui permettront de faire une synthèse sans concession des événements du 17 octobre. Droit et Liberté, journal du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le MRAP, fournit des informations sur d'autres pogroms ailleurs, en France, à Metz, à Nancy. Côté images, le biologiste Jacques Panigel va entreprendre une enquête qui donnera le film Octobre à Paris. Beaucoup de ses publications vont être saisies, le film sera interdit, mais paradoxalement, leur contenu diffusé sous le manteau va marquer toute une génération, ce qui ne semble pas le cas de la grande presse et de son information éphémère, volatile. On doit ainsi à Jean-Paul Sartre et à cette petite presse militante, l'apparition des notions de pogrom ou de ratonnade, dans l'imaginaire français, malheureusement, très souvent décliné au pluriel. Dans la nouvelle revue Partisan, François Maspero reproche à Jacques Panigel de finir Octobre à Paris sur les 8 morts de Charonne, suite à la charge policière contre les manifestants anti-OAS du 8 février 1962 et qualifie le film de navet. Pour comprendre cette critique, il est nécessaire de rappeler la différence de traitement entre les deux événements. C'est le plus sanglant affrontement entre policiers et manifestants depuis 1934, écrit Le Monde le 10 février 1962. Cette affirmation occulte le massacre des Algériens en 1961 et tous les efforts faits pour en connaître l'étendue. Elle préfigure la suite. Le 13 février 1962 est déclaré « journée morte ». Aucun journal ne paraît. Parmi les victimes, deux travailleraient dans la presse. 500 000 personnes suivent les obsèques des 8 martyrs de la liberté. Après le 17 octobre 1961, il n'y a eu aucune manifestation d'ampleur et les victimes ont été enterrées à la sauvette. Les Français ont choisi entre les morts, dira avec un sentiment de malaise un témoin présent au défilé. Citation. Au moment des discours, seul le représentant de la CFTC, Robert Duvivier, évoque les morts algériens. Fin de citation. En fait, sur les ressorts de l'antifascisme, la gauche se retrouve dans son élément. Elle va s'emparer de la lutte contre les attentats de l'OAS en métropole et de la répression du 8 février 1962 comme un symbole des risques de fascisation du régime. Commémorée chaque année, cette date restera au-delà du clivage gauche-droite dans la mémoire collective des Français, tandis que l'oubli recouvrira octobre 61. Les stigmates d'une confusion parfois délibérée. Le début des années 70 va confirmer et accentuer cette tendance à la confusion. Après mai 1968, les maoïstes de la gauche prolétarienne, le GP, reprennent à leur compte le thème de la fascisation. Ils dénoncent la terreur raciste qui règne dans les usines et les crimes racistes qui se multiplient. Le 25 février 1972, Pierre Auvernet, un jeune ouvrier spécialisé, est tué aux portes de Renault-Billancourt par un vigile alors qu'il distribuait un tract intitulé « On assassine à Paris », appelant à manifester le soir même à la station de métro Charonne. 10 ans après, des intellectuels dont Michel Foucault se sont aussi rendus sur les lieux. À leur côté, le dirigeant de la GP, Alain Gessmar, mêle l'évocation de février 1962 aux charges policières de ce 25 février 1972. Il parsème également son discours de référence plus ou moins implicite aux ratonnades d'octobre 61. D'aucuns considèrent qu'Alain Gessmar lui-même aurait été témoin des exactions policières sur le pont de Neuilly le 17 octobre 1961 et a choisi Charonne contre octobre 61 en toute conscience pour récupérer la mémoire de février jusque la chasse gardée d'un PCF au nid. De nombreux films militants des années 70 vont porter les stigmates de cette confusion. Ces films vont circuler dans de multiples réseaux parallèles, notamment auprès des jeunes lycéens et étudiants qui n'ont pas directement connu la situation des années 60, mais qui restent fascinés par la mythologie révolutionnaire et apartidaire de mai 68. Or, l'imagerie militante d'alors instrumentalise généralement sans vergogne les images pour illustrer des discours idéologiques. Les photos prises le 17 octobre 1961 par Élie Kagan sont ainsi utilisées pour illustrer les ratonnades des années 70. Les conséquences de cette manipulation plus ou moins consciente d'images devenues quasi atemporelles vont se révéler ravageuses. Elle prédispose les nouvelles générations, déjà marquées par le primat de l'image sur l'écrit, à une mémoire fourre-tout qui mélange les références historiques et les genres. Des personnes directement concernées se retrouveront piégées. Dans le documentaire 17 octobre 1961, une journée portée disparue de Philip Brooks et Alan Ayling, les sœurs de la petite Fatima Bédard, retrouvées noyées dans le canal Saint-Martin, racontent leur consternation en apprenant l'existence de la manifestation parisienne du FLN. Elles avaient jusqu'alors cru que leur sœur était morte à Charonne. Ce témoignage en corrobore bien d'autres, qui contredisent le préjugé selon lequel il y aurait deux mémoires se tournant ostensiblement le dos, celle des Algériens et celle des Français. Les Algériens de France reproduisent aussi à leur corps défendant l'imaginaire et l'histographie de leur pays de résidence, et cela le plus souvent dans l'ignorance de l'histoire de leurs parents. Un choc pour les jeunes générations. Il serait cependant erroné de considérer que la mémoire d'octobre a été complètement occultée dans les années 70. Plusieurs initiatives ont été prises avec plus ou moins de succès. Parmi celles-ci, on peut retenir la grève de la faim du cinéaste René Vautier contre la censure d'État en 1973. L'auteur de « Avoir 20 ans dans les Aurès » obtiendra le principe d'une levée de la censure politique permettant au film « Octobre à Paris » qu'il cherchait à distribuer de recevoir enfin un visa non commercial. Par ailleurs, l'Amicale des Algériens en Europe, héritière de la Fédération de France du FLN, a instauré le 17 octobre comme « Journée nationale de l'émigration ». Chaque année, une commémoration a lieu, et par le biais des nombreuses publications de l'Amicale, des documents fort instructifs sont régulièrement délivrés au public. Mais au-delà d'un cercle restreint, le message ne passe guère, sans doute à cause du discrédit croissant de l'Amicale, qui passe pour une courroie de transmission du gouvernement et des consulats algériens. La martyrologie officielle, à force d'être ressassée, devient suspecte. Les gens concernés estiment désormais qu'il y a exagération et remise dans un coin tous ces documents, se disant qu'ils les consulteront plus tard, peut-être. À partir de 1981, la mémoire d'octobre refait surface dans l'espace public français. Les quotidiens Libération, qui avaient déjà évoqué en 1980 un massacre raciste en plein Paris, et Le Monde consacre une place importante au 20e anniversaire du 17 octobre. Le Monde demande des comptes sur le bilan officiel du massacre et suggère que cette date soit célébrée comme une journée nationale contre le racisme. Antenne 2 diffuse au journal télévisé de 20h un sujet de Marcel Triard, lancé en plateau par Patrick Poivre d'Arvor. Ce regain d'intérêt pour le 17 octobre 1961 apparaît dans le contexte de la victoire de la gauche en 1981. L'heure est à l'inventaire de l'ancien régime, et pas question de laisser les responsables, dont Maurice Papon, encore membre du dernier gouvernement, prendre une retraite heureuse sans rendre des comptes. Ce qui rouvre le dossier sont bien souvent des anciens militants anticolonialistes devenus de grands professionnels des médias, voire des patrons de presse. Ils n'ont pas renié tous leurs engagements passés, à commencer par leur opposition à la guerre d'Algérie, et entendent bien lever certains sujets jusque-là tabous. L'émotion ressuscitée par l'audiovisuel. Quand les jeunes issus de l'immigration algérienne, tout comme les enfants de harkis, qui lisent la presse française et parfois l'hebdomadaire Sans Frontières, apprennent l'existence du 17 octobre 1961, c'est le choc. Des jeunes, garçons et filles, vont effectuer un parcours de reconnaissance initiatique des différents lieux de Paris où les massacres se sont déroulés. Il s'y recueille en silence. Plus qu'une prise de conscience et une révolte collective, leur démarche est solitaire. Ils auront du mal à exprimer leurs ressentiments aux allures de quête identitaire. Le silence des parents sera aussi interrogé. Pour mieux se faire accepter par la société française, faut-il donc taire son histoire propre? Lors de la grève de l'hiver 1983-84, les affrontements raciaux à l'usine Talbot-Poissy, au cours desquels les non-grévistes scandent au four, à la Seine, à l'encontre des grévistes immigrés blessés, rappelle combien les références racistes sont enracinées dans la culture ouvrière. En réaction, une partie des marcheurs pour l'égalité, qui avait fait sensation un mois plus tôt, participe à une manifestation sous la banderole « Nous sommes tous des Arabes de chez Talbot ». Pour autant, il serait réducteur, voire démagogique, d'en conclure que ce sont avant tout les beurs qui initient le retour collectif de la mémoire autour du 17 octobre 1961. De fait, ce sont davantage leurs aînés, des militants formés dans les années 70 au contact de la gauche française et d'anciens du FLN, qui contribuent à reformuler le devoir de mémoire. Mehdi Lalaoui, par exemple, animateur de l'association Au nom de la mémoire, a beaucoup fait pour le succès du 30e anniversaire en 1991 autour du film et du livre Le silence du fleuve. Il a fréquenté, au comité des travailleurs algériens, des anciens dirigeants du FLN comme Saab Abtsi et demeure très lié à la gauche antifasciste française. Il a su déborder le cadre étriqué de l'expression militante, se servir des nouvelles opportunités offertes par l'ouverture des médias et par la démocratisation des outils de communication. Le recours à l'audiovisuel démontrera aussi la puissance d'évocation de l'image, qui suscite davantage l'émotion autour de témoignages donnant à voir l'intimité des gens, quitte sans doute à réduire l'importance du contexte politique et historique. La guerre contre le colonialisme glisse ainsi au second plan, au profit d'une dénonciation du massacre et des conditions de vie des travailleurs immigrés de l'époque. Le personnage principal du film « Vivre au paradis » de Burhem Gerciu, sorte d'anti-héros superbement campé par l'acteur Roche Dizem, pousse cette logique à son paroxysme. La stratégie individuelle de l'intégration, quitter à tout prix le bidonville pour un HLM, se déploie à contre-courant des consignes du FLN. Cette liberté vis-à-vis du carcan politique de la guerre sera sans doute un filon d'avenir, comme si, finalement, la guerre d'indépendance n'avait été qu'une parenthèse malheureuse dans un processus d'enracinement des Algériens en France qui lui serait bien antérieur. L'impunité jusqu'à quand? Savoir enfin ce qui s'est vraiment passé le 17 octobre 1961, connaître l'ampleur du massacre et en désigner les responsables, demeure une constante. Le procès en octobre 1997 de Maurice Papon, accusé de crimes contre l'humanité dans l'affaire des déportations de près de 1500 juifs de Bordeaux en 1942, et le procès de ce même Papon, que ce même Papon intente contre l'écrivain Jean-Luc Egnodi en février 1999, vont permettre de ramener à la une des médias la question de la reconnaissance officielle du bilan réel du massacre et de nécessaires poursuites en justice. Le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement se dit, à l'Assemblée nationale, tout à fait prêt à chercher à faire la vérité. Le Monde du 17 octobre 1997. Et nomme la mission Mandelkern pour tenter d'établir un bilan. Cette mission rapporte qu'il y aurait eu quelques dizaines de tués. Egnodi maintient son évaluation de 200 morts au moins. Mais c'est surtout la bataille pour l'ouverture des archives qui retient l'attention. Libération publie le 22 octobre 1997 des pièces d'archives tirées du registre du parquet. Pour autant, le recours aux archives semble bien aléatoire. Il apparaît d'ores et déjà que de nombreux documents ont disparu, et les chercheurs indépendants ont bien du mal à y accéder. Malgré que le gouvernement ait pris le 5 mai 1999 la décision de faciliter les recherches historiques, la préfecture de police de Paris continue par exemple d'opposer à Jean-Luc Aignaudy le délai de 60 ans pour l'accès aux documents nominatifs qui mettent en cause la vie privée, prévu à l'article 7 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, confère Le Monde du 11 octobre 2000. Maurice Papon, vieillard malade désormais en prison. On peut craindre un moindre intérêt public pour des suites judiciaires à l'encontre de la répression du 17 octobre 1961. D'autant que l'ensemble des faits relatifs à la guerre d'Algérie demeure à ce jour couvert par un décret d'amnistie promulgué en mars 1962. Face à ce risque d'impunité, un groupe d'intellectuels, emmené par l'universitaire Olivier Lecourt-Grandmaison, a rendu public l'appel du 17 octobre 1961 pour que cesse l'oubli, nom de la nouvelle association, voire Libération du 19 octobre 1999. Il dénonce l'impunité d'un crime contre l'humanité commis par l'État, l'outrage aux victimes et à leurs proches, tout en demandant la création d'un lieu de souvenir à la mémoire de ceux qui furent assassinés. Et ils espèrent bien se faire entendre, notamment par la gauche plurielle au gouvernement, afin que la République reconnaisse enfin qu'il y a eu crime. Le MIB, Mouvement de l'immigration et des banlieues, ajoute pour sa part, citation, « Il ne suffit pas de dénoncer et de commémorer. Le 17 octobre 1961, c'était aussi le refus du couvre-feu et le quadrillage des quartiers immigrés, dispositif policier discriminatoire à l'encontre de nos parents qui continue sous des formes diverses aujourd'hui. Le meilleur hommage que nous puissions leur rendre, c'est de continuer leur lutte contre l'injustice, pour la dignité et pour l'égalité. » Voilà, c'est donc un document écrit par Mognis H. Abdallah en 2000 et qui est disponible sur Internet. Je mettrai les liens en description de ces lectures.